Chapitre 82. Brusquerie et douceur. Le patron du bateau, le Perpignan et Julien. Il n'est point de cœur que la douceur d'un enfant ne puisse gagner. Pendant que Julien lisait attentivement dans son livre, le patron du Perpignan l'observait du coin de l'œil. « Voilà un petit bonhomme qui jusqu'à présent n'est pas bien embarrassant, pensa-t-il. Quant à l'autre, il a l'air adroit de ses mains et intelligent. Il ne craint pas sa peine. Allons, cela ira mieux que je ne croyais. » Et comme il était brave homme au fond, il se repentit de la bourrade par laquelle il avait salué les enfants à leur arrivée. Il s'approcha de Julien et lui passant sa grosse main sur la joue. « Eh bien, dit-il, nous sommes donc savants, nous autres. Qu'est-ce que nous lisons là? Le conte du petit Poucet ou celui du Chaperon rouge ?» Julien releva la tête et fixant sur le patron des yeux étonnés, qui était resté un peu triste depuis sa maladie. « Des contes, fit-il? Oh que non, pas, patron. Ce sont de belles histoires, allez. Et même les images du livre aussi sont vraies. Tenez, voyez. Cela, c'est le portrait de la Pérouse, un grand navigateur qui est né à Albi. Je crois que notre bateau ne passera pas à Albi, mais cela ne fait rien. Je me rappellerai Albi à présent. » Le patron sourit. « Alors, dit-il, tu vas être sage comme cela tout le temps du voyage et apprendre comme si tu étais en classe ?»« Oui, patron, dit Julien doucement. J'ai promis à André de ne pas trop vous embarrasser. » « Mais c'est très bien cela. Allons, faisons la paix. » Et il saisit la petite main gauche de Julien, qui se trouvait être la plus près de lui. Puis, familièrement, il la secoua entre les siennes en signe d'amitié. Par malheur, cela se trouvait être la main blessée de Julien. L'enfant devint tout pâle. Il étouffa un petit cri. « Quoi donc ? » dit brusquement le patron d'un air agacé. « Eh bien, es-tu en sucre par hasard ? Et suffit-il de te toucher pour te casser ?»« C'est que, » répondit Julien en soupirant, « cette main-là est comme ma jambe, elle a une entorse. »« Allons, bon, tu n'as pas de chance avec moi, petit, » dit le patron d'un ton radouci. Julien le regarda à moitié ému, moitié souriant. « Oh que si, » dit-il, « puisque vous n'êtes plus fâché, la poignée de main est bonne tout de même. » Le bourru se dérida complètement. « Tu es un gentil enfant, » dit-il. Il se pencha vers Julien, et posant ses deux mains d'Hercule sous les bras du petit garçon. « As-tu encore des entorses par là, » fit-il. « Non, non, patron, » dit Julien en riant. « Alors viens m'embrasser. » Et il souleva l'enfant comme une plume, l'enleva en l'air jusqu'à la hauteur de sa grosse barbe et posant un baiser retentissant sur chacune de ses joues. « Voilà, nous sommes une paire d'amis à présent. » Les bateliers regardaient leur patron avec surprise, et pendant que délicatement ils remettaient le petit garçon entre les deux sacs qui lui servaient de fauteuil, André les entendait dire « Ce bambin ne sera pas trop malheureux ici. » Julien, tout réconforté, souriait de plaisir dans son coin. Et André s'applaudissait de voir combien la douceur et la bonne volonté avaient vite triomphé des mauvaises dispositions et des manières brusques du patron.